love. Comme ça caché. Quelle radio ça? Radio Pastel. On s'est jamais avec leur carburant bien caché. Je les connais, les journalistes. Ouais, les caméras cachées. Maintenant, caméra, ça peut faire la taille du film. J'ai pas la clé. Radio. Oh,